si je suis dans le truc. Dans le truc. Je me suis cassé la gueule. Je sais que ça leur a plu. Et tu sais qu'on respecte, t'es hypermétique, que tu fais des pics. Tu sais qu'on tourne avec, on l'a dans la sacoche, comme au Mexique. Mélange dans la vitelle, moto, je vise la tête et la putette. Je voulais descendre au madame, je voulais pas me lever pour un boulot. On va pousser la zipette le jour, le soir on boit à la vovo. Bah ouais, rien n'est factice, numéro 10. Marseille, des magatés, tu nous connais. Ma belle, tu m'as fait du mal, la monnaie apaise. Ma belle, je vais quitter la France. Oui, magatés. Tu vas toucher le sky, prends un verre de sky. Kimbo, si tu cognes comme Kimbo, slice. Bibi, Khalas, Jonke, Dallas, Doison, oh madame, sans mon famille Adam, Slorcor, Famas, Espagne, Bonchit, Kilo, Gofas, détail en grammes, c'est des trajets en tram, en trans, le petit l'a grandi trop vite, je pourrais finir en drame pendant que ça fait de la berdia. J'ai retiré, j'ai donné deux marrons au SDF parce qu'il faisait berdia. Pour les cassos, comme des fusils d'assaut, Kimbo dans la sacoche, qui traîne avec des garçons, la Matrix. J'ai les lunettes à néo, t'as mieux qu'à Ukovic, j'voulais plus te dire hello. Chaka, DP, masque, elle piste avec des yeux d'amour, j'le fais comme je masque. Si on te veut du mal, écoutez Max, prends-toi un gilet, une distance et Max, Max. Y'a le Covid, non, ne fume pas sur ma tête. Y'a des féfés, des tam-tam, des CZ dans le cortège. Matrix, lunettes de ski, ceinture sur la neige. De la moulin bien servie, et le réseau manque en flèche. Rien n'est factice, numéro 10. Marseille, les magatés, tu nous connais. Ma belle, tu m'as fait du mal, la monnaie apaise. Ma belle, je vais quitter la France. Oui, magatés, tu vas toucher le sky, prends un verre de sky. Sans ice, sans ice. Mode Akimbo, si tu cognes comme Kimbo, slice. Libérez mon H, libérez chef, d'ici Hames. C'est qu'on veut s'y mettre, tout droit sur Nadar. Je dis ça va et la baisse, si tu veux la baisse, Los Angeles. Marseille, vieux port, Toré Adar. Capuché dans le Macan, faut qu'on trois chauffe dans la Mégane. On arrive, ça fait vacarme, ligne complète, 4-4 et cap. Capuché pour la plata, y'a que la race à la bleue. J'arrive comme trinque, j'ai fumé dans la skink, j'ai enfumé tout le plat. J'ai pas de glock, mais là je vais m'en prendre un avec ce qui se passe dans le plat. Mais toi tu es dans la merde, va falloir te cacher dans la merde. T'as fait des trous, t'as fait des trous. Maintenant ils veulent tous te niquer ta mère. Je connais la victoire, je connais l'échec. Envoie les chèques, on me dit que je les choque dans les chartes. Y'a des frérots qui galèrent au cachot. Et d'autres t'en fais des dingueries qui doivent se cacher. Frérot, je suis fâché, je veux tout arracher. Je suis dans les bâtiments, moi je suis pas fait pour clasher. L'OVNI, la machine avec le S est magique. On raconte le vécu de nos vies tragiques. Rien n'est factice, numéro 10. Marseille, des magatés, tu nous connais. Ma belle, tu m'as fait du mal, la monnaie apaise. Ma belle, je vais quitter la France. Oui, magatés, tu vas toucher le sky, prends un verre de sky. Sans ice, sans ice. Mode Akimbo, si tu cognes comme Kimbo, slice. Tu vas toucher le sky, prends un verre de sky. Sans ice. Mode Akimbo, si tu cognes comme Kimbo, slice.